Bonjour à toutes et à tous. Je suis à nouveau très heureuse de vous accueillir dans cet amphithéâtre de Simoné pour la troisième séance du séminaire Marché en ville, dont vous êtes pour la plupart devenus des assidus. Alors, permettez-moi donc tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2008, dont je ne doute pas qu'elle sera pour beaucoup d'entre vous éminemment pédestre, ou qu'en tout cas elle le deviendra pour les plus récalcitrants. Alors, Grégoire vient de vous le dire, si elle ouvre cette nouvelle année sous le signe de la marche à pied, cette troisième séance du séminaire Marché en ville, dédiée aujourd'hui aux outils d'observation et de description de la marche, clôt également ce cycle de séminaires organisé par le laboratoire Cresson. Alors, pour autant, et j'y reviendrai en conclusion de la journée, les réflexions de l'équipe sur cette thématique ne s'arrêtent pas là. Des projets s'esquissent en prolongation du séminaire, tant sur le plan de sa valorisation, avec notamment le projet de publication d'un ouvrage sur ce thème de la marche à partir des différentes interventions qui ont eu lieu ici depuis juillet 2007, que sur le plan de la réflexion scientifique autour et à partir de cette pratique particulière de la ville. Mais revenons-en d'abord au contenu de ce séminaire et plus particulièrement aux questionnements qui l'ont guidé et qui devraient guider nos débats d'aujourd'hui. Je l'ai dit à plusieurs reprises lors de mes précédentes introductions, la première séance de ce séminaire a mis l'accent sur l'existence de ce que l'on peut appeler, je crois, le renouveau, sinon de la pensée, au moins de l'intérêt porté à la question de la marche à pied en ville, dans les milieux politiques, dans les milieux de l'urbanisme et dans les milieux d'aménagement urbain. Pour autant, cet intérêt marqué pour la thématique de la marche ne relève pas, je crois, d'une exception de notre siècle. Si l'on prête en effet attention à l'histoire urbaine, force est de constater que l'intérêt porté aux piétons, à ses pratiques, au contexte spatial, social, voire même perceptif dans lequel elles prennent place, suit une courbe relativement cyclique en fonction de facteurs récurrents, les transformations urbaines à l'œuvre en ville au cours d'un siècle, la densification de la ville, l'extension et la nécessaire redéfinition de ses limites géographiques, les choix politiques faits dans le domaine des transports et au centre d'eux, les choix politiques faits quant à la place de la voiture en ville. Malgré cet état de fait historique, je pense pourtant que ce 21e siècle dessine un tournant particulier dans la réflexion sur la marche à pied en ville. Alors particulier pourquoi ? Parce qu'à mon sens, en plaçant les préoccupations environnementales au centre de la problématique urbaine, notre siècle crée des conditions propices à une forme de militantisme en faveur de la marche à pied en ville. Militantisme que l'on retrouve dans le discours commun et parfois même dans le discours expert, lorsque la marche à pied est érigée en principe de santé, alors que paradoxalement, chacun sait que l'air de la ville n'est probablement pas le plus pur pour nos poumons. Voyez par exemple ce que l'on peut lire actuellement sur le très sérieux site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, concernant notamment les liens entre marche et santé. Militantisme que l'on retrouve dans la planification urbaine, dès lors que la marche à pied est institué comme un argument central du projet urbain, au même titre par exemple que la création d'une ligne de bus en site propre. Militantisme enfin dont on peut légitimement questionner, je crois, les répercussions, voire même les dérives, lorsqu'il nourrit une vision aseptisée de la ville, où le piéton n'est plus envisagé finalement que comme un mobile particulier, qu'il conviendrait de parquer dans des couloirs étanches et si possible végétalisés, moins des affres de la circulation routière, moins des frottements, moins des conflits qui pourtant procèdent de notre quotidien en ville. Tout ceci au nom, bien sûr, d'une certaine appréhension de la qualité de la vie en ville. Alors, comment retourner la tendance? Comment éviter les pièges de ce militantisme et le dualisme qui ne manquera pas de créer entre ce qui marche et ce qui ne marche pas, entre les différents lieux et les différentes fonctions de la ville, entre les différents temps urbains, le temps du séjour, celui de la mobilité pendulaire, le temps des emplettes, celui de la flânerie urbaine? Comment, autrement dit, faire en sorte que cet intérêt renouvelé pour le piéton et ses pratiques participent d'un renouvellement de la réflexion sur la ville? Une première piste de travail a été esquissée lors de la seconde séance de ce séminaire, celle de porter attention à ce que j'ai pu appeler, un peu par provocation, l'expérience charnelle du piéton dans l'espace public urbain, et dont Anne Jarigeon, je vous le rappelle, nous a dressé un portrait haut en couleur en nous décrivant par le menu ses face-à-face quotidiens qui rythment une certaine conduite du trottoir parisien aujourd'hui. Alors, que faut-il entendre par là? En quoi consiste une démarche qui s'intéresserait à l'expérience charnelle du piéton dans la ville? Que peut-elle apporter en termes de recherche et de réflexion sur l'aménagement urbain? Instituer une démarche qui s'intéresse à l'expérience charnelle du piéton, à la manière dont celui-ci s'ancre à la ville par le corps et par les sens, c'est d'abord instituer une démarche qui aborde le quotidien, la quotidienneté, comme un élément constitutif de cette expérience d'ancrage. L'ordinaire des déplacements en milieu urbain, ces jeux de regard et de corps que nous a décrit la dernière fois Samuel Bordreuil, ce sont d'abord autant de manières pour le piéton d'articuler des pratiques, des perceptions et des imaginaires à des lieux, à des itinéraires, à des paysages, à des ambiances, au point de pouvoir les pratiquer avec astuce, les décrire avec attention et minutie, au point, comme nous l'a enseigné Jean-François Augoyard, de recréer la ville en produisant de nouveaux regards sur elle, de nouveaux discours, en inventant aussi de nouveaux lieux, des interstices de contact, des poches de séjour, des lieux de fuite, mais aussi des points de mémoire. Au point surtout, et c'est cet aspect-là que je souhaiterais souligner aujourd'hui, de mettre les corps et les sens en résonance, en équilibre, ou à l'inverse, en dissonance, en décalage avec ses villes et ses ambiances. Marcher, nous l'avons évoqué lors de la dernière séance, exige une certaine technicité du corps, c'est-à-dire une capacité du piéton à actualiser des techniques physiques et perceptives pour à la fois répondre aux codes implicites de la vie urbaine et pour déjouer les barrières architecturales au déplacement. Mais marcher engage aussi la plasticité des corps, pour reprendre là encore un terme cher à la danse contemporaine, leur malléabilité, si on peut dire, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter aux contextes urbains et à leurs variations. Je pense à l'arrivée subite de la pluie ou à la présence du vent qui oblige le passant à courber le torse et qui conduit à diminuer son champ visuel. La capacité des corps à se mouler dans les équipements, dans le mobilier urbain. Je pense à ces fameux couloirs de marche que l'on évoquait en introduction, qui souvent jouxtent le couloir réservé au bus et qui, en plaçant le marcheur au ras des façades, l'obligent très souvent à moduler l'amplitude de ses mouvements dans l'espace. La capacité aussi des corps à jouer avec l'ambiance d'un lieu ou les micros événements qui l'affectent. Je pense par exemple au jaillissement aléatoire de ces petites fontaines place des Terreaux à Lyon, qui nécessite un réajustement de la posture corporelle chez le marcheur, et qui, parce qu'elle transforme aussi le lieu en terrain de jeu, notamment l'été, modifie aussi les codes de la marche, les codes du contact avec le sol, les codes du contact avec autrui. Or, cette dimension quasi plastique de la marche en ville, son articulation aux formes nouvelles de l'aménagement urbain, mais aussi aux ambiances architecturales, la manière dont elle est à la fois productrice et produite par la ville, reste encore peu étudiée de nos jours, en tout cas dans nos disciplines. Pourquoi ? D'abord parce que la marche, nous l'avons vu, est une activité plurielle et complexe. Ensuite, parce que la marche, la manière dont la marche mobilise les corps, demeure une dimension difficilement verbalisable pour le piéton. Parler de ses mouvements dans l'espace, dire son corps et la manière dont il est affecté par l'environnement, par l'ambiance d'un lieu, ne va pas de soi pour le piéton. De la même manière, observer ces corps en marche, décrire leur plasticité, n'est pas chose évidente dans nos disciplines. Nous manquons de méthodes pour cela, et de vocabulaire aussi, je crois. Enfin, troisième raison pour laquelle prêter attention à cette expérience charnelle du piéton demeure difficile aujourd'hui, l'absence de problématisation de la marche en tant que telle. Je l'ai là encore répété à plusieurs reprises dans mes précédentes introductions, la marche demeure d'abord un instrument de réflexion sur la ville, sur la planification urbaine, sur l'articulation entre pratique et mémoire, entre pratique et ambiance, avant d'être un objet de recherche à part entière. Et les deux séances de juillet et de novembre le confirment, il semble plus aisé d'aborder cet objet complexe et ambivalent de biais plutôt que de front. Or, c'est pourtant à ce changement de perspective que ce séminaire s'est attelé de manière sous-jacente, et c'est à la possibilité de ce changement de perspective que je souhaiterais que nous réfléchissions aujourd'hui avec deux questions centrales, les présupposés conceptuels à partir desquels un tel changement de paradigme est possible, les outils, et notamment les outils méthodologiques qui permettraient de le nourrir et de le soutenir. Voilà, je laisse donc la parole maintenant aux intervenants de cette journée, et notamment au premier d'entre eux, M. Hendrik Sturm, qui est enseignant à l'école des Beaux-Arts de Toulon, mais qui est aussi artiste promeneur, et qui devrait, je crois, nous apporter un premier éclairage à la fois sur ces questions, sur les questions que je viens de vous lister, mais aussi peut-être sur la place des artistes dans un tel débat sur la marche.